change les hommes avec des sommes. Ouais. Et le monde avec des âmes. Pensez au message. C'est pas comme ça que les mômes vont rester singes. Le linge sale se lave sans les civets, ça résout rien. Avec des cibles, on te fait pas des sous, on paraît sous, confond les cibles. Quand est-ce qu'on prend des risques? On vit dans un monde de sourds où personne ne comprend les signes. Le vice déguisé, c'est comme si on nous parlait sans les morts. Pour noyer la vérité, ils seraient prêts à faire couler le sang des mômes. Gros sorti, les idées mortes, depuis qu'ils se répandent, les idées mortes, ils seraient tendres devant les signes. Qui sont te défend que si t'es mort. 500 mètres pour prendre les voix du peuple, tout pour l'image. On descend pas dans la rue pour y faire une marche. En course contre la montre, sous pas de ces fous qui se lèvent tard. Le système parle et devant la peau d'un ours qui n'existe même pas. Je gratte un sans-songe par un compte sans frappe. Et les calmes dans le flûte, radin de bon sens, rap inconscient. Je me fous que vous allez droit dans le mur. Je ne joue pas avec vous, le ton donne envie de JRP. Ils se prennent tous pour des loups, je vois que des moutons et très peu de bergers. Des commérages, des contradictions dans la com. La suicide commercial en rotation sur Skyrock. Le rap gamer a du respect pour leur définition. C'est facile de rester vrai quand tu changes tout le temps sa définition. C'est pas vrai, je braverai leur pète. Je faire feu, ils sont pas prêts. Moi j'ai pas tant du nec feu pour rapper. Je m'en parlais avec des clics. Je rappe pas pour que le système s'y plaise. Ah ouais, t'as fait 3 clips. Bordel, c'est ma 6ème mixtape. On m'a dit fait ça sale, j'ai fait ça propre. Et sache que t'es pas le seul à rêver le soir. Voir toute la salle baiser la proc. J'envoie la salle, baiser la vôtre. Je lutte vu que la plume tente le tir. Y'a pas de chance, c'est la patience. C'est un luxe que j'ai plus le temps que mon frère. Mais compte pas sur moi pour apporter le pactole. Je connais que des ports dans la drogue et l'alcool. Le vice c'est facile et la paye est reine. C'est systématique, systématique. Je pleure la fin de ma taille comme si c'était ma fille. C'est le carnage, c'est les canettes vides. Ne les crois pas, je fais les canettes vides. Des bonnes faces, des tonnes pas. Si on se croise pas dans le carré vide. De trois packs dans le backpack. Mes canailles partent pas sans s'en cacher. Six des bâtards, le barbare et les barbares ne parlent pas langage des signes. Ah c'est ça qu'ils veulent, des mots qui pleuvent pas un weed. Punchline de merde et des fast flows qui veulent rien dire. Génération clown, ils sont à bloc, quoi rien que ça se met à fond. Boule de glace à la place des couilles. Dès que ça chauffe, ça se met à fond. J'cours un monde de sourds à la bourre, faut que je trouve les heures. Faut que je me suis éloigné, tous ceux qui j'nouffe, je me suis retrouvé seul. T'écoutes et tu respectes, j'impacte le rap, une frayeur bleue. La plupart me respectent, ceux qui m'aiment pas savent que je suis meilleur que. J'ai gratte et que le son tourne et chaque crame et veut son tourne. J'entends ce rap, beaucoup sont gratte, peu sont lourds à l'arrière. C'est quand la clé de bras ouvre la porte, comme la corde que t'attaches à la gorge. Suffit d'un track pour que t'accroches. Fuck, j'viens pas de la street. Je viens tout droit d'Espagne, les proches au bled, le cordon se bise, le cerveau se fout droit dans l'espace. Moi j'ai la paye, mais je suis pas dans votre tel la paire. Mais je suis pas dans votre game, je pourrais ramener la paix, mais je suis pas dans votre guerre. Elles sont étonnantes nos techs, ouais ouais je parle dans le vide. J'entends les échos dans vos têtes, que du sky dans le bide. Car c'est comme ça qu'on fait la fête, crois pas que les petits gantries s'éclatent. Les cicatrices effacent, on fait un fait. Nos peurs s'infirment, le bonheur est fermé. Remise en question car je confonds pas honneur et fierté. C'est pour Marseille et Pertuis, si on lutte pour que les rêves perdurent. Le plan est clair, faut changer d'air, mais à jamais assez de verdure. La masse est perdue, je me prends pas pour le capter le message. J'espère que sur les 1000 vues, y'en a 3-4 qui vont capter le message. J'taffe les fins, c'est carré, j'la mets, j'rappelle jamais. Pas prêt de lâcher la rime, j'rappe et j'rappe et j'rapperai. C'est pour les armées, pour les plumes qu'on a dû brandir. Pour les arbres et pour les rues qui nous ont vu grandir. Ils savent qu'on saigne pour ceux qui nous veulent en cache des livres. Mon amour en langage des signes.